MKP, gros. 77. Dans la suite du Valentine, certains disent je ferai pas longtemps. J'finis mon texte si je l'entame, j'abats l'ennemi si je l'entaille. Je prends rien à la télé, j'serai cantateur à Koh-Lanta. Ces enculés ont bien marché, ça fait bander, c'est trop rentable. J'veux rimer, pas dériver, avoir de la maille et délirer. Avec la miche, j'ferai dévirer, tous les jaloux vont me désirer. Ok, j'prends un feu de taré, les faux s'arrêtent, les vrais s'amènent. Si t'aimes pas, franchement, la ferme, j'ai défoncé comme Van Salen. On vient se la mettre entre refaire, on met du sky dans les revers. Si j'bafouille, ben je refais, on a du style, bah ouais, mon frère. Le rythme en bas, je vous manque pas. En ce moment, le moral, j'ai pas, j'pense à mon frère Mike. En disant que j'en verrai pas. Mais pour la vie, faut la vie, voyez des hauts et des bas. Je fais marcher mes tripes et je cause des dégâts. Je crois qu'en moi et ma famille, pas les couilles du reste. J'veux un plat, viens vers lui, pas bouffer les restes. Sur cette putain d'instru, on augmente encore le level. Voilà un tour impur pendant que tu suces le vieil. Dans le sky n'est pas pur et le tabac non plus. On est chaud, sois-en sûr, toujours inspiré au plus. De nos jours, rien n'est facile, non, non, non, non, non. Dans nos oui, on l'abîme, pam, pam, pam, pam, pam. Devant le mic, tout s'envelit, moins, moins, moins, moins, moins. Trois lettres et deux chiffres, MKP 77. On se lâche, ça faisait longtemps, dernier c'était tentant. Ça nous fait kiffer ton temps, donc sans balai c'est tentant. On va faire pâlir ton teint, même ton cerveau est atteint. Avoue-même que t'es content, de toute façon c'est pour ça qu'on tape. C'est avec des mots qu'on tape, et je peux même dire qu'on tape. Fin de garder le contact, nous on vient remplir le contrat. C'est toujours le même combat, laisser une trace avant qu'on parle. Tant t'es pas pour rien qu'on parle, mais t'es pas pour ça qu'on perd. Attention, ça va être chaud, j'ai pour débiter du flou, je reprends mon souffle. Ça va être chaud, j'ai mes stylos quand j'écris trop. Bah j'prends style gros, j'cris trop micro, y'a du style. Teste pas la boîte à bouge, j'passe à l'âge t'attrape. Je viens casser la baraque, non j'passe pas la star. Moi je kiffe dans ces deux speaks, que j'accélère, que ça s'enchaîne. Tout le monde s'en frappe, c'est trop vénère, j'ai son chaud. On reste vert, rien à foutre que notre truc soit pas tapané. Nous pour le son, mec y'a pas d'heure, on creuse mais y'a pas d'heure. Les gars pardon car nous voilà, on évolue, on est vilain. On a la dalle, mec on voit la tête à villa, ça on verra. Mais nous le voulons, ouais nous serons vrais, on parle de ce qu'on sait. Mon frère, on se conseille, délire en concert. Bien avant on se concerte, en faisant les cons.